L'armurier de Genève par Pierangelo Fiorentino. Vers la fin de l'hiver passé, de pluvieuse et glaciale mémoire, dont l'hiver présent promet de continuer fidèlement la tradition, je commençais à m'apercevoir que le froid gagnait tellement mes sens engourdis que si je tenais à ne pas perdre tout à fait ma faculté locomotive, je ne devais pas tarder un seul instant de faire mes adieux au boulevard et d'aller me réchauffer en Italie dans un bain de lumière et de soleil. Le surlendemain du jour où j'avais pris cette résolution, je descendais le Rhône, emporté comme une flèche par la double rapidité de la vapeur et du courant, sans projet, sans curiosité, sans but, et surtout très inaccessible à l'endroit des impressions de voyage, affreuse maladie de notre époque, qui menace sérieusement de remplacer le roman historique et la fièvre cérébrale. Tandis que je me berçais mollement de mille pensées vagues et riantes, que je laissais flotter à leur gré et s'entremêler dans ma tête avec l'incohérence d'un rêve, une jeune et jolie femme, qui depuis une heure paraissait engluée à l'autre bout du paquebot entre deux commis voyageurs, fit un effort sur elle-même, et prenant l'essor comme une fauve effarouchée, vint s'abattre près de la chaudière, où je me chauffais voluptueusement dans les extases d'une paresse indéfinissable. Je jetai un regard de côté à la voisine que le ciel m'envoyait, sans me déranger le moins du monde, car pour me décider à quitter ma nonchalante attitude, elle aurait dû réunir plusieurs conditions rigoureusement indispensables d'après mes principes. Je dois avouer que ma première inspection eut le résultat le plus satisfaisant. Malgré toute la sévérité que je portais dans mon examen, je ne me sentis pas le courage de lui donner tout à fait 30 ans. Sa toilette de demi-deuil était des plus simples et des plus élégantes. Elle était chaussée et gantée avec une pureté irréprochable. Ses cheveux étaient d'un blond magnifique, et je regrette bien que la langue n'ait pas de mots pour en indiquer précisément la nuance. Ses grands yeux bleus à fleur de tête jetaient des regards mélancoliques qui contrastaient singulièrement avec l'extrême fraîcheur de son teint et l'enjouement presque enfantin de sa physionomie. Je me souviens aussi d'un petit défaut qui me choqua d'abord, et qui finit par me charmer par la suite. Une de ses dents s'était légèrement dérangée de son clavier d'ivoire, et donnait à sa lèvre une sinuosité imperceptible, comme un pli dans la feuille d'une rose. Somme toute, elle me parut ravissante, et valant bien la peine de suspendre un peu pour elle ma délicieuse rêverie. Restait un point, et des plus importants, selon moi, à éclaircir, car ainsi que dans la vie je déteste les liaisons de quelques jours, de même en voyage, je ne saurais me décider à continuer une conversation avec une jeune et jolie personne, sans être sûr d'avance qu'elle ne me quittera pas à moitié chemin. Fidèle à mes habitudes de précaution, j'essayais de tourner le moins gauchement possible une des 10 questions absurdes qu'on peut adresser à une femme que l'on voit pour la première fois, mais frappé tout à coup comme par une révélation subite, je me levai brusquement et me plaçant en face d'elle, je lui dis d'une voix alarmée « Vous souffrez, madame ?»« Point du tout, monsieur. » me répondit-elle toute stupéfaite. Je feignis en même temps d'être charmé et humilié de cette réponse, et je lui fis mes excuses avec le plus humble embarras. « Pardonnez-moi, madame, lui dis-je, il m'avait semblé vous voir pâlir, et je craignais que vous ne fussiez gênée par l'odeur du charbon. Au reste, continuai-je, rassuré par l'effusion de ses remerciements, c'est le seul désagrément de la navigation sur la rivière. À la mer, c'est d'autres choses. Souffre-t-on beaucoup à la mer ? Me demanda ma voisine. « C'est selon, madame. »« Oh, expliquez-moi cela, monsieur, » reprit-elle, en donnant complètement dans le piège, « car je compte prendre un des paquebots de la Méditerranée. » C'est tout ce que j'avais besoin de savoir pour mon introduction, et grâce à mon subterfuge, je pus me livrer sans autre soupçon à une longue causerie avec la belle voyageuse. Malheureusement, à peine avions-nous entamé la conversation que nous étions déjà arrivés. C'est le privilège des chemins de fer et des bateaux à vapeur sur le Rhône. Les habitants d'Avignon se jetèrent en foule sur mon bagage avec un empressement qui fait honneur aux nations les plus hospitalières. Un homme s'empara de ma malle, un autre de mon sac de nuit, un troisième de mon étui à chapeau, deux autres se disputèrent ma canne et mon parapluie, un dernier, je crois, ramassa mon mouchoir. En un clin d'œil, l'équipage de mon inconnu fut distribué entre 5 ou 6 personnes avec la même équité. Nous étions profondément touchés de l'obligeance de cette brave population lorsque nous apprîmes que l'antique cité des papes s'était octroyé le droit de prélever 30 sous d'impôt pour chaque objet appartenant aux voyageurs, que les enfants d'Avignon transporteraient des quais au bureau des diligences qui sont à 20 pas de distance. Il est vrai que vous êtes libre de ne pas payer le tarif si on vous égare l'objet. » Après un repas des plus détestables pris à la hâte dans un hôtel qui compromet sérieusement le nom de Pétrarque, j'eus le bonheur de me trouver en tête-à-tête avec ma mystérieuse compagne dans le coupé d'une diligence du midi. Pendant la nuit, le roman commença à se compliquer. Mon inconnue était veuve, elle était née en Suisse et avait habité longtemps la France. Après avoir rendu les derniers devoirs à la mémoire de son mari, elle avait pris le temps nécessaire pour mettre ordre à ses affaires et se disposait à parcourir l'Italie pour rejoindre ses parents dont elle avait été séparée par une longue absence. Il paraît que ses relations de famille avaient été longtemps interrompues car elle ignorait dans quelle ville de l'Italie mon père avait fixé son domicile. Quelque incomplètes que fussent ses confidences, je me renfermais dans la plus stricte réserve, car je tenais à lui prouver que je différais en tout point des commis voyageurs qu'il avait assiégés le matin. Au reste, son esprit était un peu empreint de mélancolie, sa voix était vive et accentuée, et sa langue ne manquait ni de correction ni de grâce. Elle avait suspendu au ciel de la voiture une délicieuse capote ouatée, et avait noué négligemment autour de sa tête un foulard dont s'échappaient de grappes de cheveux qui descendaient sur ses épaules. La lune donnait en plein sur un bois que nous traversions et venait éclairer de ses rayons d'argent cette belle et vaporeuse figure. Au premier relais, nous trouvâmes le maître de poste et les garçons de l'écurie dans un état d'alarme terrible. Toutes les voitures qui étaient arrivées avant nous avaient été dévalisées dans le même endroit que nous venions de traverser en causant tranquillement des brigands d'Italie. Ma voisine en ressentit une telle frayeur que je lui promis d'acheter des pistolets à Marseille et je cherchai pendant le reste de la route à la rassurer de mon mieux. Le matin suivant, au point du jour, après une légère discussion avec un douanier qui se permettait de chiffonner mes cravates sous prétexte que ma malle anglaise devait être pleine de saucissons d'Arles, je priai ma compagne qui se trouvait dans les mêmes dispositions de partir avec moi pour l'Italie, de venir me rejoindre dans 2 heures chez un armurier qu'on m'avait indiqué comme le meilleur de Marseille. Je m'arrêtai devant une maison d'une assez pauvre apparence et je demandai si c'était là que demeurait M. Walter. Un homme d'une 50aine d'années s'avança aussitôt, tenant de sa main droite le coin d'un tablier de toile grise. C'était un ouvrier d'une taille moyenne, d'une physionomie pleine de franchise et d'expression, mais noir et barbouillé de poudre et de fumée à rendre jaloux le dieu Vulcain lui-même. Une veste de drap vert à manches retroussées laissait entrevoir des bras charnus et des poignets vigoureux, et je remarquai que sa main gauche était mutilée de 3 doigts. « C'est ici, monsieur, » me répondit-il, en inclinant légèrement la tête. « Qu'a-t-il pour votre service ?»« J'ai besoin d'une paire de pistolets. Je ne tiens pas à ce qu'ils soient richement montés, pourvu qu'ils soient bons. J'ai votre affaire, monsieur. » « Donnez-vous la peine d'entrer. Nous allons les essayer dans mon jardin. Après quoi, vous m'en donnerez le prix que vous voudrez. » Nous passâmes en effet dans le jardin, et je regardai autour de moi pour voir de quel côté était le tir. « Franz !» cria l'armurier d'une voix forte. Au même instant, un garçon d'un âge problématique, carré, trapu, bouffi, avec une mine prodigieusement piteuse, mit son nez à la croisée du premier étage et fit à son maître un signe imperceptible. Au bout de 2 minutes, il parut dans le jardin et se plaça 30aine de pas loin de nous en fumant paisiblement son cigare. J'étais tout absorbé par la contemplation de cette étrange figure lorsque je vis l'armurier lever lentement le canon du pistolet à la hauteur de la tête de son garçon. Je poussai un cri terrible. Le coup était parti et Franz revenait vers nous en me montrant son cigare cassé juste en 2 moitiés. L'adresse du maître, qui s'exerçait si cruellement sur cette impassible créature, me fit horreur. Je lui en exprimai mon blâme en termes sévères et je me disposais à sortir sur le champ pour avertir l'autorité de cette atroce barbarie qui se commettait journellement malgré les 5 codes. Quant à Franz, il avait remis dans sa bouche la moitié de son cigare qui était resté allumé et s'était allé replacer tranquillement au même endroit. Le nouveau Guillaume Tell, sans paraître nullement effrayé de mes menaces, avait armé l'autre pistolet et visait pour la 2e fois. Je voulais m'élancer sur l'assassin, mais j'étais trop loin. Le coup partit 2e fois, et l'autre moitié du cigare fut emportée par la balle. Franz n'avait pas sourcillé. Alors je saisis cet homme au collet, et j'allais le traîner chez le premier commissaire de police lorsqu'une grosse larme roula dans ses yeux, et sans faire aucun effort pour se dégager de mes mains, il s'écria d'une voix déchirante « Mon Dieu, vous ne savez pas comme j'aime ce garçon !» Je le regardai fixement, et je crus un instant qu'il avait perdu la raison. « Cela vous paraît étrange, » continua l'armurier, « mais c'est que vous voyez, nous deux, nous ne tenons pas à la vie. Et si par hasard ma main venait à trembler, j'ai toujours un autre pistolet tout prêt pour me brûler la cervelle. » En achevant ces mots, il embrassa Franz avec une telle expression de douleur que mon indignation se changea tout à coup en un muet étonnement. Je suppliai le pauvre armurier de m'expliquer la cause de ce morne désespoir qui dévorait deux existences à la fois, et je m'engageai à garder sur ces révélations le plus inviolable secret. Walter me remercia d'un regard, et m'ayant prié de m'asseoir dans son atelier, commença son récit d'une voix émue. « Mon vrai nom est Constant, et je suis connu dans tous les cantons pour avoir été le premier armurier de Genève. J'avais une fille, un ange, monsieur, dont j'étais plus fier que de mon renom dans l'art. Vous n'auriez jamais cru que c'était la fille d'un simple ouvrier, tant elle avait les mains blanches et la voix douce. Aussi devait-elle épouser le comte Arthur, un beau jeune homme d'une des meilleures maisons de France, que j'aimais de tout mon cœur, car j'aurais donné mon âme pour voir ma fille heureuse. Toute la ville me félicitait sur ce mariage, à l'exception de ce garçon que je rencontrais toujours sur mon passage et qui me jetait ces mots d'une voix sinistre. « Maître Constant, le comte Arthur n'épousera pas votre fille. »« Et pourquoi ?» lui dis-je, oiseau de mauvais augure. « D'abord parce qu'il est un poltron. Il a refusé de se battre avec moi. » Je le regardais avec un sourire mêlé de mépris et de pitié, et je ne fis plus attention à lui, parce que j'avais la ferme conviction que le pauvre garçon était fou. Mais comme il ne cessait pas de me répéter son refrain lugubre, un jour que je n'étais pas d'humeur à endurer sa plaisanterie, je perdis patience et je lui appliquai une forte tape sur la tête. Le jeune homme rugit comme un tigre, mais ne leva pas la main sur moi, et ne m'adressa pas un mot pour me reprocher ma brutalité. Seulement, le soir il m'attendit sur la place à l'heure de ma promenade, et d'une voix basse et grave me défia en duel. Je m'empressai d'accepter son défi, ne pouvant pas lui refuser une si juste réparation. Nous nous donnâmes rendez-vous pour le jour suivant, et le sort m'ayant favorisé, je devais tirer le premier. Comme je ne pouvais pas me résoudre à tuer ce pauvre garçon, je voulus essayer tous les moyens pour vaincre son obstination. « Comment vous appelez-vous » lui demandai-je, après avoir armé mon pistolet. « Je m'appelle Franz. »« Eh bien, Franz, » repris-je, « je m'en vais dessiner votre initiale sur le mur pour vous donner le temps de réfléchir. » Je tirai lentement autant de coups qu'il en fallait pour décrire un grand F à l'aide de mes balles qu'elle laisse s'enfoncer dans le mur comme si je les avais posées avec ma main. Il me regarda faire avec un sang-froid imperturbable en fumant tranquillement son cigare, et quand j'eus fini, il me dit en souriant « Vous méritez de passer maître en écriture gothique. À nous maintenant. » Et il alla se placer à 10 pas de distance. C'est alors que je lui fis sauter la première fois son cigare de la bouche sans effleurer sa lèvre. Pour lui, il était resté immobile comme une statue. Je le serrai contre mon cœur et je lui dis d'une voix tendrie « Vous êtes un brave garçon, Franz. Mais pourquoi vous mêlez-vous de mes affaires ?» Alors il se jeta à mes genoux et me dit en sanglotant « C'est que j'aime votre fille, mais je l'aime à en perdre la raison. Je l'aime à en mourir de douleur. » « C'est dommage, » lui répondis-je en le relevant, « car ma Coralie ne t'aime pas du tout. Mais si tu veux en revanche, tu resteras toujours avec moi et je t'aimerai comme mon fils. » Après cette scène touchante, je retournais chez moi heureux comme je ne l'avais jamais été dans ma vie. Hélas, monsieur, ma fille avait disparu avec le comte Arthur. Le misérable, au lieu de l'épouser, l'avait séduite. Dans un accès de désespoir, je voulus m'ôter la vie, mais Franz m'en empêcha. Ne pouvant supporter ma honte, je résolus de m'expatrier et ce brave garçon a voulu partager mon exil. J'avais l'intention de m'établir en Italie, mais une longue et pénible maladie causée par le chagrin m'obligea de m'arrêter à Marseille. Je n'ai plus reçu de nouvelles de l'ingrate qui a déshonoré ma vieillesse, et la triste joie qui nous reste, c'est le souvenir de notre duel. Je ne pourrai jamais rendre les émotions diverses que ce simple récit me fit éprouver. J'allais faire part à l'armurier de mes doutes, lorsqu'une voiture s'arrêta devant sa porte, et ma belle inconnue, fidèle à sa promesse, vint me chercher dans l'atelier. Alors il se passa dans cette chambre une de ces scènes dont l'impression ne s'efface jamais dans la vie. L'armurier se leva d'abord avec respect pour saluer l'étrangère. Puis il la regarda attentivement quelques secondes, puis enfin il la tire avec force près de la croisée qui donnait sur le jardin. « Mon père, ma fille !» s'écrièrent-ils à la fois en s'embrassant convulsivement. Mais presque à l'instant même, le vieillard la repoussa brusquement et lui cria d'un ton de colère. « Où est le misérable qui t'a déshonoré ?»« Priez pour lui, mon père, je suis sa veuve. » Et elle se précipita de nouveau dans ses bras. Le pauvre Franz s'était évanoui. Quant à moi, je me résignai gaiement à leur bonheur, et je partis pour l'Italie en compagnie de mes pistolets. C'était l'armurier de Genève, par Pierangelo Fiorentino.